Kernok le pirate, de Gensu, pour Audiocité, lu par Eric. Chapitre 7. Carlos et Anita. Ce tumulte affreux, cette fièvre dévorante, c'est l'amour. Aver la morte et inanzi gliochi per me, Pétrarque. La douce influence des climats méridionaux se faisait encore sentir, car le trois-mâts, le San Pablo, se trouvait à la hauteur du détroit de Gibraltar. Poussé par une faible brise, toutes ses voiles étaient dehors, depuis le contre-cacatoi jusqu'au phoque d'été. Il venait du Pérou, et se rendait à Lisbonne, sous pavillon anglais, ignorant la rupture de la France et de l'Angleterre. L'appartement du capitaine était occupé par Don Carlos Toscano et sa femme, riche négociant de Lima, qui avait frété le San Pablo à Callao. On ne reconnaissait plus la chambre du navire, tant Carlos y avait déployé de luxe et d'élégance. Sur les parois nues et grises s'étendait une riche draperie, qui, se séparant au-dessus des fenêtres, retombait en plis ondoyants. Le plancher était recouvert de nattes de lima, tressées d'une paille fine et blanche, et encadrées dans de larges dessins de couleurs tranchantes. De longues caisses de bois d'acape rouge et poli contenaient des camélias, des jasmins du Mexique et des cactus aux feuilles épaisses. Puis, dans une belle volière de citronniers, entourée d'un léger réseau d'argent, voltigeaient des bengalis à la tête verte, aux ailes pourpres reflétées d'or, et de jolies perruches de Porto Rico, toutes bleues, avec une aigrette orange et un bec noir comme l'ébène. L'air était tiède et embaumé, le ciel pur, la mer magnifique. Et sans le léger balancement que la houle imprimait au navire, on aurait pu se croire à terre. Assis sur un riche divan, Carlos souriait à sa femme, qui tenait encore une guitare à la main. « Brava, brava, mon Anita !» s'écria-t-il. « Jamais on n'a mieux chanté l'amour. C'est qu'on ne l'a jamais mieux éprouvé, mon ange. »« Oui, et pour toujours, » dit Carlos. « Pour la vie, » dit Anita. Et leurs bouches se rencontrèrent, et il la serra contre lui dans une étreinte convulsive. En tombant à leurs pieds, la guitare rendit un accord doux et harmonieux, comme le dernier son d'un orgue. Carlos regardait sa femme de ce regard qui va au cœur, qui fait frissonner d'amour, qui fait mal. Et elle, fascinée par ce regard âcre et brûlant, murmurait en fermant ses yeux appesantis, « Grâce, grâce, mon Carlos !» Puis, joignant ses mains, elle glissa doucement aux pieds de Carlos et appuya sa tête sur ses genoux, de sorte que sa pâle figure était comme voilée par ses longs cheveux noirs. Seulement ses yeux brillaient à travers, ainsi qu'une étoile au milieu d'un ciel sombre. « Et tout cela est à moi, » pensait Carlos, « à moi seul au monde, et pour toujours, car nous vieillirons ensemble, les rides sillonneront aussi cette figure fraîche et veloutée, ces anneaux d'ébène s'arrondiront en boucles argentines, » disait-il en passant sa main dans la chevelure soyeuse d'Anita, « et vieille, vieille grand-mère, elle s'éteindra par un beau soir d'automne au milieu de ses petits-enfants, et ses derniers mots seront « Je te rejoins, mon Carlos. Oh oui, car je serai mort avant elle. Mais d'ici là, que d'avenir, que de beaux jours. Jeunes et forts, riches, heureux d'une conscience pure et du souvenir de quelques bienfaits, nous aurons revu notre belle Andalousie, Cordoue et son Alhambra, sa mosaïque d'or, ses portiques découpés à jour, son architecture aérienne, notre belle villa avec ses bois d'oranger frais et parfumés, et ses bassins de marbre blanc où dort une eau limpide. Et mon père, et la maison où je suis né, et la jalousie verte que je soulevais si souvent quand tu passais, et la vieille église de San Juan, où, pour la première fois pendant que j'étais à prier, ta bouche murmura à mon oreille, « Mon Anita, je t'aime, et vois si la Vierge me protège. » Au moment où tu me disais, « Je t'aime », je venais de lui demander ton amour, en promettant une neuvaine à Notre-Dame, reprit Anita, car son époux avait fini par penser tout haut. « Écoute, mon Carlos, soupira-t-elle, jure-moi, mon ange, que dans 20 ans, nous dirons une autre neuvaine à Notre-Dame pour lui rendre grâce d'avoir béni notre union. Je te le jure, âme de ma vie, car dans 20 ans, nous serons encore jeunes d'amour et de bonheur. Oh oui, notre avenir est si riant, si pur que... » Elle ne put achever, car un boulet ramé, entrant en sifflant par la poupe, lui fracassa la tête, coupa Carlos en deux et brisa les caisses de fleurs et la volière. Quel bonheur pour les Bengalis et les perruches qui se sauvèrent par les fenêtres en battant joyeusement des ailes.